het filet. La citation disait vrai. C'est beau au début et après ça part en couille. Mais la sérieux ça m'effraie. Yeah, yeah. On a plus le même quotidien. Tu sais que je suis pas rouge. Je me demande si je suis toujours le seul à qui t'appartient. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te cala. T'es à la maison seulement quand je suis pas là. Je me sens comme sur un mur en pleine escalade. Avec moi y'a plus de balade. Et crois-moi tout ça me rend malade. Yeah, yeah. Si tu tiens à nous, dis-moi ce qui ne va plus. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a déçu? Je suis nostalgique quand je repense à nos débuts. Et à tous ces moments vécus. À l'évidence là c'est tendu. Yeah, yeah, yeah. Ce qui nous arrive est un châtiment. Écoute-moi ce que je dis est pertinent. Où sont passés tous tes sentiments? Yeah. Ce qui nous arrive est un châtiment. Écoute-moi ce que je dis est pertinent. Où sont passés tous tes sentiments?